En Corée, l'Institut de transformation des plastiques a établi un nouveau processus de production de pelouses artificielles et ouvert la perspective de la production quantitative des pelouses par nos propres forces techniques. Les indices techniques de la nouvelle pelouse artificielle se conforment à la norme qualitative définie par la FIFA. Par exemple, le taux d'élasticité du ballon, identique qu'à la pelouse naturelle, la surface douce, la résistance à la traction et le pourcentage d'allongement adéquat.